Quatre barricades formaient, au bout des quatre voies, d'énormes talus de pavés. Des torches, çà et là, grésillaient. Malgré la poussière qui s'élevait, il distingua les fantassins de la ligne et des gardes nationaux, tous, le visage noir, débraillés, hagards. Ils venaient de prendre la place, avaient fusillé plusieurs hommes. Leur colère durait encore. Frédéric dit qu'il arrivait de Fontainebleau au secours d'un camarade blessé, logeant rue Belfond. Personne d'abord ne voulut le croire. On examina ses mains, on flaira même son oreille pour s'assurer qu'il ne sentait pas la poudre. Cependant, à force de répéter la même chose, il finit par convaincre le capitaine qui ordonna à deux fusiliers de le conduire au poste du Jardin des Plantes. Ils descendirent le boulevard de l'hôpital. Une forte brise soufflait. Elle leur anima. Ils tournèrent ensuite par la rue du Marché aux Chevaux. Le Jardin des Plantes, à droite, faisait une grande masse noire, tandis qu'à gauche, la façade entière de la Pitié, éclairée à toutes ses fenêtres, flambait comme un incendie, et des hommes passaient rapidement sur les carreaux. Les deux hommes de Frédéric s'en allèrent. Un autre l'accompagna jusqu'à l'école polytechnique. La rue Saint-Victor était toute sombre, sans un bec de gaz, ni une lumière aux maisons. De 10 minutes en 10 minutes, on l'entendait. « Sentinelle, prenez garde à vous !» Et ce cri, jeté au milieu du silence, se prolongeait comme la répercussion d'une pierre tombant dans un abîme. Quelquefois, un battement de pas lourd s'approchait. C'était une patrouille de 100 hommes au moins. Des chuchotements, de vagues cliquetis de fer s'échappaient de cette masse confuse et, s'éloignant dans un balancement rythmique, elles se fondaient dans l'obscurité. Il y avait au centre des carrefours un dragon à cheval, immobile. De temps en temps, une estafette passait au grand galop, puis le silence recommençait. Des canons en marche faisaient au loin sur le pavé un roulement sourd et formidable, lequel se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires. Il semblait même élargir le silence, qui était profond, absolu, un silence noir. Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot et s'évanouissaient comme des fantômes.